Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse Entartete Kunst ou l'art dégénéré, une série de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a Munich en juillet 1937 et une exposition qui va circuler 4 ans en Allemagne. Il y a ce que les nazis ont appelé l'art dégénéré et qui désormais peut s'enorgueillir d'avoir été stigmatisé. Cubisme, expressionnisme, abstraction, surréalisme, dadaïsme. Il y a aussi une autre exposition, en miroir, de l'autre côté de la rue, celle d'un art allemand idéalisé, pur et figuratif. Alors face au mépris institué, il faut faire l'effort d'ausculter la relation du nazisme à l'art, explorer les trafics, le vol, la spoliation, la sélection, la destruction et cohabiter avec un vocabulaire meurtrier. Alors pour commencer, les personnages. Un homme qui suit les tableaux à la trace, un historien de la culture du nazisme, une historienne qui ausculte le pillage et la trace qu'il a creusée, et un peintre qui se suicide quand il apprend la destruction de ses œuvres. Ensuite le décor. Un régime de voleurs et d'assassins, un art déchu, Berlin, Francfort, Munich, 20 000 œuvres décrochées des cimaises, des chevaux bleus et des arbres violets, une mécanique implacable, la pénombre, la foule et des œuvres agglutinées. Aujourd'hui, premier épisode, les tableaux sont des souvenirs. Meine Lieblingsbilder ist. C'est mon tableau préféré. Deutschland, ein Wintermärchen. Une peinture de 1918 de Georg Gross. Nach Heine. D'après Heinrich Heine. Allemagne, un conte d'hiver, 2,50 m sur 1,32 m. Wir haben hier. J'ai fait des recherches, le tableau apparaît pour la dernière fois en 1925. J'ai ensuite retrouvé sa trace en 1928, en 1930 et 1933. En 1933, le tableau se trouvait encore à Berlin. Je savais à qui il appartenait, qui était le propriétaire. Avant que les SA ne prennent d'assaut l'appartement, une femme était venue chercher le tableau. J'ai retrouvé la trace de cette femme, c'était une juive mariée à un Danois qui partait pour Copenhague et qui a ensuite émigré aux USA. Depuis, le tableau n'a plus jamais réapparu. C'est devenu un incunable du XXe siècle. Peu importe où le tableau est accroché, celui qui le détient sait qu'il le possède de façon illégale. Et il était sozusagen mit einer der am stärksten angefeindeten Künstler. Était l'un des artistes les plus attaqués. On le tenait enfin. On n'avait peut-être pas eu l'artiste, mais on pouvait s'attaquer à son œuvre, la saisir et même en brûler une grande partie. Ici à Berlin. Und es sind so als etwa an die 5000 Werke Gemälde und Arbeiten auf Papier verbrannt wurden und auch il y en avait à peu près 5000. Des tableaux et des œuvres sur papier. Entartete Kunst. L'art dégénéré. Par Christine Le Cerf. Aujourd'hui, l'exposition. Entartet, die Art, c'est le, la race. Ent, c'est le préfixe privatif ou le préfixe de distanciation. Et ça veut dire littéralement déchu de sa race, quelque chose qui est tombé loin ou tombé en dessous de son niveau racial. Donc c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la race. Le lendemain de l'incendie du Reichstag, des SA ont fait irruption dans l'appartement de Groß, qui se trouvait tout près d'ici, dans la Trautenaustrasse. Comme l'appartement était vide, ils se sont rués ensuite dans la Nassauer Straße, où Groß possédait un atelier depuis 1910. La porte était fermée, ils l'ont fracassée et saccagé tout l'atelier à l'âge. Si les SA étaient tombés sur Groß, ils l'auraient tué sur le champ. Et les 300 œuvres de Groß qui avaient été saisies dans les musées ou dans les collections privées, dans le cadre de l'opération Art dégénéré, ont presque tout disparu. C'est une très grande perte. La spoliation des œuvres d'art, c'est un exemple extrême et spectaculaire dont on parle encore aujourd'hui et qui fait l'objet aujourd'hui de traitements juridiques, mémoriels, etc. Johann Chaputo. Mais il faut voir que ce n'est qu'un des aspects de la politique de spoliation, voire de prédation généralisée que les nazis mettent en place. Les nazis sont les plus grands voleurs de l'histoire. Ce sont des prédateurs absolus, qui ne savent pas construire, qui ne savent pas édifier, mais qui fonctionnent de manière virale, se jetant sur une population, se jetant sur un territoire, en épuisant littéralement cette population et ce territoire, en le vidant de sa substance, en prélevant les forces et les biens pour nourrir leurs propres entreprises. C'est peut-être le phénomène politique et le régime politique et le phénomène militaire le plus viral de l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si on a déjà vu, depuis la préhistoire, une construction politique reposant autant sur le vol. Ce sont des voleurs. Ralph Jentsch. C'est à peine croyable. C'est difficile à concevoir aujourd'hui cette opération art dégénéré. Et tout le monde a collaboré. Et le plus dur dans tout ça, c'est que tous les musées de province ont suivi l'exemple de Berlin. Après la guerre, tout le monde s'est cherché des excuses et quand on a demandé au directeur de la National Gallery comment il s'était maintenu à son poste et pourquoi il avait participé à cette opération, et il a prétendu avoir agi pour éviter le pire. Mais la vérité, c'est qu'ils ont tous permis au pire d'advenir. Après Berlin, les musées de province ont tous cédé les uns après les autres. Il n'y en a pas eu un pour oser résister. Et on ne s'est pas contenté de l'art juif, c'est tout l'art moderne qui a été saisi. Imaginez-vous un peu, ce sont quelque 20 000 œuvres qui ont été décrochées des musées et saisies. Et dans les musées, il y avait évidemment ce que les artistes avaient fait de mieux. Le peintre expressionniste Ernst Ludwig Kirchner avait vendu ou donné près de 1000 tableaux au musée allemand quand il apprit que la plupart de son œuvre avait été saisie et détruite. Kirchner se suicida. Il faut comprendre qu'au même moment, les musées allemands, enfin quelques années plus tôt et depuis une dizaine d'années, collectionnaient cet art d'extrême avant-garde. Bénédicte Savoie. C'est-à-dire que les musées allemands sont à la pointe déjà. Le public a accès à cet art-là. Ce n'est pas un art qui a été tiré de galeries ou de collections de gens particulièrement excentriques, etc. C'était déjà dans les musées d'État. Et donc c'était en fait déjà de l'art établi pratiquement, au moment où il est dénoncé comme un art dégénéré. C'est pas anodin, enfin, de souligner qu'il s'attaque à des choses que la génération d'avant a déjà muséalisées, acceptées et sacralisées. Das ist der Katalog. Voilà. Bernhard Maas. 1917 als Schenkung in das Museum geraten und über die Zeiten der entarteten Kunst im Bestand. Ce tableau de Franz Marc a été conservé dans les réserves du musée pendant toute l'époque de l'art dégénéré. Dieses Bild von Franz Marc ist ein sehr bekanntes Werk. C'est un tableau très connu, du moins en Allemagne. Jedes Kind in Deutschland, mindestens in Deutschland, wächst auf. Tous les enfants allemands grandissent avec des images de Franz Marc. Diesen weichen, geschmeidigen Formen, ces dessins d'animaux, formes souples et molles, Gemälden, so wie diese beiden Rehe, qui dégagent une atmosphère intense, schnuppern, comme ces deux chevreuils rouges que l'on voit là, und schauen, en train de regarder et de flairer le monde autour d'eux. Ça, c'est le Franz Marc populaire. Der tierliebende Franz Marc, celui qui aime les animaux, dessen Bilder einer Suche nach et dont l'œuvre est à la recherche d'une harmonie dans le monde. C'est le Franz Marc qui se rattache au romantisme allemand. Dann haben wir in der Sammlung auch, nous possédons aussi dans notre collection un tableau que Franz Marc a peint en 1914, unmittelbar bevor er in den Krieg zog, juste avant de partir à la guerre, forme au combat. Ein vom italienischen Futurismus angeregtes Bild, un tableau complètement inspiré par le futurisme italien, avec ses formes éclatées. Beweist, wie Künstler wie Franz Marc hochsensibel qui montre à quel point un artiste comme Franz Marc pouvait percevoir la menace qui planait sur l'Europe avant la Première Guerre. Cette inquiétude se manifeste dans l'abstraction des formes, dans leur agitation, leur radicalité. Un tableau presque à l'opposé de l'harmonie des chevreuils rouges de 1912. Was im deutschen avec ces deux images, on comprend mieux ce qu'a été l'expressionnisme allemand. Was beim Blauen Reiter stattgefunden hat. Et le Blaue Reiter eine Hinterfragung. Une remise en question. Und nochmal auf München geblickt und das bricht hier alles zusammen mit dem. Mais tout ça s'est effondré en 1914 avec la mort de Franz Marc, l'exil de Kandinsky. 1914-16, die Jahre der Zerstörung. La disparition de August Marc et toutes ces années de destruction, tout cela a eu d'énormes conséquences sur la perception de la modernité dans les années 20 à Munich. Die moderne, die goldenen 20er Jahre, das ist Berlin. La ville de la modernité dans les années 20, c'était Berlin, avec Georg Gross. Frankfurt, mit Max Beckmann. Frankfurt avec Max Beckmann. Oder Weimar. Ou Weimar et Dessau, avec le Bauhaus. Die Moderne in den 20er Jahren hatte es wahnsinnig. La modernité était à Berlin. Aber sie hatte Orte wie Berlin, weniger stark aber München. Mais beaucoup moins à Munich. Wenn wir die Geschichte unseres Hauses, also unserer Häuser, erzählen, müssen wir das mitsehen. Deswegen besaßen die La situation des musées de Bavière en 1933 était complètement différente de celle de Berlin. Die Moderne in Misskredit kam, relativ wenig zeitgenössische Kunst. Anders als etwa Berlin, wo das Kronprinzenpalais als le Palais du Kronprinz à Berlin était le lieu par excellence de la modernité. C'était le modèle pour le MoMA de New York. Für das MoMA, das Museum of Modern Art in New York. Das war das Kronprinzenpalais. Berlin était un véritable champ d'expérimentation pour l'art moderne. Die präsentiert wurde von modernen soutenu par des directeurs et des commissaires à la pointe, Munich était beaucoup plus réservé. Pourquoi il n'y a eu que très peu d'œuvres saisies dans les musées à Munich lors de l'opération Art dégénéré? Christian Fuhrmeister. München in den späten 20er Jahren, also nicht nur Munich à la fin des années 20 n'est pas seulement une ville conservatrice ou réactionnaire, mais plus que ça ou pire que ça, elle est devenue le creuset du Kampfbund für deutsche Kultur. Das sind die frühen Bewegungen, de tous ces mouvements qui s'inspiraient de l'idéologie völkisch, arienne de la société Toulé, du sang et du sol et de la protection de la patrie, pour combattre la République de Weimar et sa culture jugée trop moderne et qui voulait revenir en arrière. Empfundene Entwicklung in der Kultur der Weimarer Republik zu konterkarieren und zurückzuführen. C'est pourquoi, quand les nazis ont entrepris de renouer avec le passé florissant de la ville, c'est à cette tradition bien particulière qu'il faisait référence, celle de la seconde moitié du XIXe siècle, de l'école de Munich, de ses peintures de genre, des portraits, des paysages, des natures mortes, de la peinture historique d'un Karl von Piloty ou d'un Friedrich von Kaulbach. C'est ce Munich-là qu'Hitler avait en tête lorsqu'il a officiellement baptisé Munich capitale de l'art allemand en 1933. Munich ne deviendra capitale du mouvement national-socialiste que 2 ans après. Die Verschmelzung von Staat und Volk, Führer und Gefolgschaft geben der Deutschen Wochenschau wahrhaft historische Aufgaben. Als ständige Begleiterin des Führers bei allen großen Veranstaltungen wird sie zu einem Bilddokument der neuen großen Volksgemeinschaft. Die Münchner Kunstpublikation. Un grand nombre de publications artistiques étaient également basées à Munich. Beobachter und sein Kunstkritiker. Je pense par exemple au quotidien Der Völkische Beobachter ou à la revue mensuelle L'Art du Troisième Reich, qui était fabriquée ici, dans ce bâtiment, dans l'ancien siège de la NSDAP, qui abrite aujourd'hui l'Institut d'Histoire de l'Art. Les archives photos de la revue se trouvent encore dans nos caves. Ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass die nationalsozialistische Kunstpolitik mehr. Je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que la politique nazie en matière d'art s'est davantage faite à Munich qu'à Berlin. Für die Ausschaltung der als unerwünscht geltenden Kunst der Moderne. C'est la ville où s'est manifestée plus clairement qu'ailleurs cette double volonté d'éradiquer un art moderne indésirable. Am stärksten aufeinander de propager un art véritablement national-socialiste, weil hier auch das Publikum, die Rezeption, car il y avait là un public réceptif à ces idées et surtout une infrastructure de premier plan pour les diffuser. . 1937, c'est une année intéressante à Munich. Alors Munich, il faut rappeler que c'est la capitale du mouvement, hein, c'est Hauptstadt der Bewegung, hein, selon les nazis. C'est le siège du parti nazi, c'est de là que tout est parti, du sud de l'Allemagne. Et c'est dans cette ville éminemment symbolique et importante pour les nazis qu'a lieu en 1937 la concomitance et la confrontation de 2 expositions. L'exposition d'un art de régénérescence raciale, l'art officiel, néoclassique, pour la sculpture, l'architecture, très classique pour ce qui est de la peinture. Ça, c'est l'exposition de l'art allemand. Et face à elle, l'exposition d'art dégénéré, qui est évidemment le contre-exemple, qui est de l'antithèse. L'antithèse qui montre les productions d'une biologie gâtée. Ce qui est montré dans l'exposition de l'art dégénéré, c'est un art anhistorique, sans histoire, sans perspective, sans racines, qui est un art purement individuel, hein, qui n'est pas du tout un art communautaire, qui n'est pas l'expression d'un groupe racial et d'une biologie communautaire. C'est un art purement individuel, et en l'occurrence, la production d'individualités malades. Et ce que disent les nazis, c'est, regardez, quelqu'un qui peint des chevaux bleus, hein, comme Franz Marc et l'école du Blauer Reiter, quelqu'un qui peint des chevaux bleus ou des arbres violets, et quelqu'un qui a un problème de perception, parce qu'il voit les chevaux comme étant bleus, il voit les arbres comme étant violets, donc c'est quelqu'un qui, ayant ces problèmes de perception, trahit sa maladie mentale ou sa maladie neurologique. Voilà. Et la production artistique de ces gens-là est une symptomatologie, de la même manière que les furoncles ou une éruption cutanée, si vous voulez, est la symptomatologie de leur maladie. Face à cela, vous avez l'art allemand qui, lui, au contraire, depuis l'éternité, depuis que la race germanique existe, depuis les Grecs donc, cet art allemand, lui, au contraire, est l'expression d'une biologie saine et pure, qui voit les arbres comme étant verts, qui voit les chevaux comme étant généralement bruns ou marrons, ou blancs ou noirs, c'est-à-dire leur couleur naturelle. C'est un art qui va traduire la nature et non pas la trahir. Hein. L'art dégénéré trahit la nature parce que il est l'expression d'une biologie qui est elle-même dénaturée, qui est elle-même malade, alors que l'art allemand, lui, traduit la nature. Les proportions sont respectées, le corps grec est parfaitement harmonieux, la symétrie des temples et de l'architecture germanique depuis la Grèce est parfaitement respectée. Tout cela montre qu'on a affaire à des cerveaux, à des appareils sensoriels, perceptifs et à des gestes créatifs qui sont parfaitement sains, c'est-à-dire en accord avec la nature. Parmi tous les peintres vivants, Adolf Ziegler était celui que préférait Hitler. Adolf Ziegler ist der hitlerische Lieblingskünstler unter den lebenden Künstlern. Er hatte natürlich auch Romantiker, hat auch Hitler collectionnait aussi les romantiques et la peinture ancienne allemande. Hier sieht man vier weibliche Akte. Le tableau que vous voyez ici, qui était destiné au musée du Führer, s'intitule Les Quatre Éléments. Il représente quatre nus féminins d'une extrême banalité et d'une trivialité rarement égalée dans l'histoire de la peinture. Ces quatre femmes nues, dessinées de façon très réaliste, sont des représentations allégoriques. Le feu est symbolisé ici par la torche, la terre par la gerbe de blé, deux attributs de Cérès qui remontent à l'Antiquité, et puis l'eau symbolisée par la soucoupe, et le vent que vous voyez ici symbolisé par ce souffle léger qui soulève les cheveux de la femme. Ces femmes sont terriblement insipides et mortellement ennuyeuses. Elle participe de ce culte du corps féminin que prônaient les nazis, incarné par la femme blonde, maternelle, germanique, c'est-à-dire de race aryenne. Mais en même temps, vous trouvez quantité de références à l'art antique et classique dans ce tableau. La perspective centrale et le sol en damier rappellent les tableaux de la Renaissance italienne et de la peinture allemande. Et vous voyez cette balustrade où sont assises les quatre femmes? C'est une vulgaire banquette de bois, telle qu'elle est disposée, on croirait un cassone et florentin. Ces femmes sont là, elles ne font rien, leur regard est vide. Adolf Ziegler war ein Maler. Ziegler était très proche de la doctrine artistique nazie et très actif dans la politique culturelle du Troisième Reich. En tant que peintre, il a tenté de s'imposer avec un style néoclassique puisé dans la tradition de la Renaissance italienne. En recourant aux allégories, aux représentations de Vénus, mais en donnant de la femme une image totalement plate et insignifiante. Les quatre éléments de Ziegler, bon, c'est une œuvre évidemment réputée, et c'est vrai qu'immédiatement, on a qualifié Ziegler de maître du poil pubien. Éric Michaud. Alors, dans l'exposition, on trouve par exemple aussi une œuvre du peintre Klein qui s'appelle L'éveil. C'est véritablement quelque chose qui, non seulement est au cœur du dispositif idéologique du Troisième Reich tout entier, mais qui doit être constamment réactivé pour signifier à chaque Allemand qui vient dans ce temple de l'art allemand, pour lui signifier en effet qu'il doit se réveiller en tant qu'Allemand et se réveiller à sa singularité raciale, à sa singularité qui lui donne une place dans une tradition mythologique qui est allemande et rien qu'allemande, ou germano-nordique, ce qui revient tout de même. Adolf Ziegler Adolf Ziegler était l'un des responsables de la grande exposition d'art allemand. Il a sélectionné les œuvres qui étaient exposées. Mais Ziegler a également participé à toute l'opération art dégénéré. Il est l'un des représentants de cette lutte contre la modernité. Et il suffit de regarder et d'analyser le réalisme totalement naïf de tous ces artistes conservateurs et réactionnaires qui gravitaient autour d'Hitler pour mesurer toute la modernité de l'abstraction. Christian Fuhrmeister. Ziegler, Willrich und dann auch Adolf Dressler. Adolf Ziegler, Wolfgang Willrich et Adolf Dressler étaient peintres à Munich. Das sind diejenigen, ce sont eux qui ont contribué à alimenter un discours manichéen, bipolaire, die antithetischen, bipolaren Strukturen weiter verstärkt par le biais de livres et de publications. Bücher, Publikationen. Ich hole mal eins, eben schnell. Je vais vous en chercher un exemple. Also recht, also gut und böse. Le bien et le mal. Zerrbild und Vorbild. Le modèle et le contre-modèle. Une pensée binaire que l'on retrouve dans toutes leurs publications et dans le livre de l'architecte Paul Schulze Naumburg, Art et Race, publié dès 1928. Es gibt Publikationen, die bien avant l'avènement du national-socialisme, il y avait déjà de nombreux textes qui mettaient en scène ce type de dualité. Paul Schulze-Naumburg auch schon on retrouve cette opposition entre exemple et contre-exemple dans les ouvrages sur la culture de Schulze-Naumburg dès 1904, 1906, 1908, ou encore à la même époque dans les travaux de l'historien de l'art Heinrich Wölfflin sur la Renaissance et le Baroque. Le grand théoricien de la dégénérescence artistique, le grand théoricien de l'art dégénéré et de l'art dégénéré comme symptôme de la dégénérescence biologique, c'est un historien de l'art allemand qui s'appelle Paul Schulze-Naumburg, qui est architecte en fait de formation et qui s'est reconverti dans la profession d'historien de l'art et qui publie à la fin des années 20 un ouvrage intitulé Kunst und Rasse, l'art et la race. Et c'est une démonstration implacable à ses yeux, par le texte et par l'image, que l'art dégénéré est le produit d'une dégénérescence biologique. Et vous avez mis sur la même page, mis en vis-à-vis, mis face à face, des photographies de malades et des photographies d'œuvres d'art dites dégénérées, de l'expressionnisme notamment. Vous avez donc cette espèce de corrélation, de mise en regard d'un corps malade et de la représentation du corps malade par le malade qui est l'artiste dégénéré. On va voir la maquette de l'exposition Art dégénéré de 1937 qui est exposée dans l'une des salles du musée historique allemand, à Berlin. Né à Berlin. On est dans une galerie qui avait été construite ou utilisée au XVIIIe siècle pour mettre les collections royales, princières de Bavière. Et c'est une galerie qui est toute en longueur. Au XVIIIe siècle, quand les tableaux de Rubens, Raphaël, etc. étaient dedans, ils étaient organisés de manière telle qu'on traversait 9 salles et qu'on allait des choses les moins bien aux choses les mieux. Alors, c'était tout mélangé, mais on s'élevait vers la beauté parfaite. Et c'est ces salles-là, qui sont donc des salles très allongées, qui donnent l'impression de traverser un long couloir, qui ont été utilisées pour l'exposition Art dégénéré de 37. Sauf que, alors qu'au XVIIIe siècle, on avait fait bien attention à la lumière, à l'éclairage des tableaux, etc. Ici, des panneaux avaient été placés devant les fenêtres, si bien que la lumière est quasiment inexistante. On est dans une lumière sombre, enfin dans une sorte de pénombre peu éclairée. Et à cette atmosphère donc, de faible clarté, qui est aussi peut-être la métaphore d'une faible clarté intellectuelle, ou en tout cas d'une beauté qui ne peut pas se dévoiler puisqu'elle est dans l'ombre, à cette atmosphère donc, de désordre ou de faible clarté, s'ajoutent des inscriptions notées directement sur les murs, qui évidemment ne sont pas du tout les standards muséologiques des années 30. Dans les années 30, on a des labels très propres. Les grands musées allemands ont depuis les années 20 des salles blanches, bien, où les œuvres d'art sont isolées les unes des autres pour pouvoir respirer, etc. Ici, on est dans une logique tout à fait contraire, où les œuvres ne respirent pas, elles sont amassées les unes aux autres. Leur titre est écrit à même le mur. Ça peut avoir des raisons toutes pratiques, puisqu'il fallait faire vite pour cette exposition, mais ça a évidemment aussi une raison symbolique, c'est qu'une œuvre dont le titre est écrite directement sur le mur, c'est une œuvre peu importante, on ne prend même pas la peine de taper le nom de son auteur à la machine. C'était une exécrable exposition, en fait. elle avait lieu dans un lieu architectural qui était très peu propice à l'exposition des œuvres, et c'était absolument volontaire. Denise Verneret. Très peu propice parce que on pénétrait par un escalier latéral, donc pas d'entrée frontale, alors que pour l'exposition d'art allemand, il y avait une belle entrée frontale. Là, on pénétrait par le côté, par une volée d'escalier. En haut de cette volée d'escalier se dressait une tête monumentale, basculée vers l'arrière, si bien qu'on voyait essentiellement le menton, un nez fuyant et très épaté, et le front renversé en arrière, immense, une tête avec une masse capillaire complètement stylisée. Et moi j'aime à la comparer à un orang de la modernité, parce que finalement ce regard balancé vers le ciel, c'est manifestement la tête de tous les orangs de l'île de Pâques, c'est la tête aussi qu'on met dans les œuvres extatiques du Moyen-Âge. Eh bien cette tête, bon, elle fait référence à un passé, mais à un passé qui n'est pas un passé européen, qui n'est pas un passé auquel le nazisme fait référence. C'est un passé des sauvages de l'île de Pâques, c'est un passé des fous, c'est un passé des dégénérés. Alors, aux yeux des contemporains, c'est quelque chose qui, en effet, imite certaines sculptures dites primitives. Ça fait penser comme ça à quelques... Éric Michaud. Aux fameuses têtes sculptées gigantesques de l'île de Pâques. On peut penser à des têtes africaines. Voilà. Mais c'est une œuvre en pierre, et c'est une œuvre qui a été photographiée aussi de façon à évoquer plus ou moins une espèce de négritude fantasmatique qui, évidemment, est pour tous les Européens depuis le XVIIIe siècle le symbole de l'altérité la plus radicale et la plus repoussante. Voilà. Là, il y a quelque chose qui circule dans tout le dispositif de propagande nazie, où chaque fois, la négritude est quelque chose qui est l'indice le plus sûr de l'altérité dont il faut se défier par excellence. Une fois que l'on avait dépassé la tête de Otto Freundlich, il fallait monter au premier étage. Donc c'était déjà d'emblée peu accueillant. Et cette déambulation malaisée était absolument voulue. La scénographie était catastrophique. La muséographie ferait hurler n'importe quel conservateur de musée aujourd'hui. Dans des pièces qui se succédaient sans circulation, si vous voulez, comme les pièces du château de Versailles, par exemple, on avait au milieu des pièces mis des murs parallèles aux parois latérales, de façon à ce qu'on passe en chicane entre les œuvres. On avait fait courir le long des murs des inscriptions formales écrites en pseudo-gothique ou alors en écriture cursive contemporaine en disant « ceci est l'art des fous, ceci est l'art des dégénérés, c'est ainsi que s'expriment les nègres », etc. Donc au-dessus de toutes ces œuvres qui étaient présentées dans un capharnaüm absolu qui allait à, je dirais, aucune clarté de lisibilité, on accrochait à touche-touche des œuvres surréalistes, des sculptures, des peintures, des dessins. La lumière était tout sauf calculée, elle était exécrable. On a une affiche célèbre qui condamne le jazz, montrant un noir tenant un saxophone, mais un noir coiffé d'une étoile de David. Johann Chapoutot. C'est intéressant parce que pour les nazis, le jazz est plutôt l'expression d'une sensibilité, d'une biologie noire, mais des noirs manipulés par les juifs. Les juifs qui vont sciemment faire se développer le jazz et ce type de musique pour troubler les esprits, troubler les appareils perceptifs et troubler les identités de ceux qui, membres de la race germanique, vont être amenés à écouter ce genre de musique. Donc le jazz est l'expression musicale d'une sensibilité troublée, d'un caractère nerveux qui se traduit par quelque chose qui est aux yeux, aux oreilles plutôt des nazis, absolument inaudible. La salle 1 était donc la première salle dans laquelle on pénétrait au premier étage, deuxième salle, troisième salle. Les salles des œuvres d'Otto Freundlich étaient celles qu'on a appelées les salles du Dada-Wand, c'est-à-dire du mur Dada, qui était soi-disant destiné à accueillir uniquement des œuvres dadaïstes, avec des inscriptions qui vilipendaient les œuvres. Et c'est là qu'on a choisi naturellement d'accrocher, à côté d'œuvres dadaïstes notoires, comme celle de Raoul Haussmann par exemple, on accrochait une œuvre de Freundlich, qui était absolument pas surréaliste, mais abstraite, dans la volonté délibérée d'égarer l'esprit des visiteurs, de bien leur faire sentir, encore une fois, qu'il n'y avait pas de voix unique dans cet art dégénéré, parce que les artistes étaient incapables d'en trouver une, et qu'on invitait les spectateurs allemands, membres si possible du Parti national-socialiste, à bien vouloir, eux, se dégager, prendre distance par rapport à ces œuvres, à leur désordre, à leur confusion, et à dégager une esthétique de rejet définitif pour ensuite sans doute courir à l'exposition de l'art allemand et se rafraîchir l'esprit, se régénérer en regardant à nouveau les sculptures d'Arnaud Brecker, les belles toiles réalistes, les belles toiles de paysage, les portraits officiels. Ça, c'était l'art qu'il fallait répandre, faire rentrer dans le cerveau des gens après qu'ils aient eu un phénomène de rejet absolu envers ces arts d'œuvres modernes qui étaient dégénérés. Die ersten Ausstellungen mit dem, was man später entartete Kunst, c'était les premières expositions de ce qu'on appellera plus tard l'art dégénéré. On appelait ça les expositions de la honte. Exposition de la honte parce que c'était quelque chose de mal, de grave, de mauvais. On parlait aussi de musée des horreurs, parce que c'était un art impossible à regarder, parce que cet art ne correspondait pas du tout à l'idée qu'on se faisait de la beauté, de l'harmonie, parce qu'il n'était que décomposition, fragmentation, parce qu'il ne montrait plus un corps entier et sain, une société intacte. Ces musées des horreurs, on les retrouvait partout en Allemagne jusqu'en 1934. À Mannheim, à Dresde, à Erlangen, à Munich aussi, Karlsruhe, à Nuremberg, Chemnitz, Stuttgart, Bielefeld, Dessau, Ulm, Hagen. Alles Ausstellungen, lange vor der Ausstellung entartete Kunst in München. Bien avant l'exposition d'art dégénéré de 1937 à Munich. Man zeigte die moderne Kunst der Dans ces expositions de la honte, on exposait l'art moderne de la République de Weimar, von George Gross, les œuvres de George Gross, d'Otto Dix, de Walter Dexel, des constructivistes, de Kurt Schwitters. Natürlich auch gerne Kurt Schwitters. Alles, was nicht einem einfachen Tout ce qui ne se cantonnait pas à une image simplement figurative et mimétique de la réalité. Toute l'avant-garde, le Bauhaus, ce qui est aujourd'hui considéré comme la quintessence de l'art moderne, tout ça était présenté comme l'œuvre d'une bande de bolcheviques de la culture, comme le résultat d'une conspiration, comme la faute du marchand juif Alfred Fleischheim, qui aurait propagé sur tout le territoire ses œuvres contraires aux intérêts de l'Allemagne, comme la faute des directeurs de musées qui auraient payé des fortunes pour acheter de l'art international, alors que les artistes allemands ne gagnaient rien. Voilà le genre de propagande qu'on pouvait trouver dans ces expositions, qui, avant 1937, étaient encore des initiatives isolées. Einzelnen Ausstellungsinitiativen benutzt wird. Après, ce que les gens en ont pensé vraiment, c'est toujours une grande question de l'histoire des musées. On a peu de témoignages pour cette exposition-là et pour d'autres en général, même pour le Louvre au XIXe siècle, si vous voulez. On ne sait pas ce que les gens sortent d'un musée, ce qui se passe dans leur tête, dans leur esprit, dans leur cœur. On ne sait pas si les émotions esthétiques dont on pense qu'elles se produisent vraiment. On ne sait pas si dans cette exposition, les gens ont rigolé, se sont moqués, ou si peut-être ils ont été touchés, ou si ils ont eu pour la première fois l'occasion de voir un art différent de ce qu'ils voyaient sinon à Munich. C'est très difficile à savoir. Pour cette expo, mais pas spécialement pour cette expo-là, c'est difficile à savoir pour l'histoire des musées en général. Et même l'histoire de cette exposition-là n'a pas pu être reconstituée tout de suite. Enfin, souvent les musées parlent peu, ils n'expliquent pas ce qu'ils font, ils font. Donc c'est l'accrochage qui raconte la chose. Si on a des photos seulement partielles d'un accrochage, il faut attendre de trouver d'autres documents pour le reconstituer. Et Dans le cas présent, les documents d'archives sont arrivés beaucoup plus tard que l'intérêt pour l'exposition. C'est-à-dire que même encore maintenant, on sait que cette exposition, il y a eu des mouvements d'œuvres qui sont entrés, sortis, que selon ces différentes stations, elle était différente. Enfin, il n'y a pas une exposition, en fait, il y a plusieurs expositions art dégénéré. Et les œuvres qui étaient présentées dans l'exposition étaient des œuvres saisies dans les musées allemands. De toutes les grandes villes allemandes, d'une quarantaine de musées. Donc on a à peu près 600 œuvres dans 9 salles et des œuvres tirées d'une quarantaine de musées allemands. Ce qui est intéressant dans la double exposition de 1937, exposition de l'art sain, de l'art naturel, de l'art racial, l'art allemand d'un côté, enraciné dans sa longue histoire depuis la Grèce, bon. Et de l'autre côté, cette exposition d'art dégénéré. Ce qui est intéressant, c'est qu'on montre les deux. Alors que l'on montre l'art allemand, c'est tout à fait légitime, après tout, c'est une race qui s'admire elle-même dans ses œuvres, dans ses productions, mais pourquoi montrer ce qui est disqualifié par les nazis comme étant un festival des horreurs ou un cabinet des curiosités morbides. Pourquoi montrer cela? Il faut le montrer, selon les nazis, alors ils en montrent une sélection, de préférence des œuvres qui leur semblent correspondre le mieux à leur lecture symptomatologique, les plus laides à leurs yeux. Il faut les montrer, ces œuvres-là, selon eux, tout simplement d'abord pour prouver par l'exemple la validité du discours nazi, regarder ces horreurs. Regardez ce que la perversion de cette modernité qui a produit ces choses-là, cette modernité avec laquelle nous rompons, nous, puisque nous renouons avec l'Antiquité, nous renouons avec une race archaïque et ses productions millénaires. Hein. Et c'est également une exposition qui vise à montrer le danger de ces productions artistiques. Attention au danger, parce que ces œuvres-là font système, hein. Elles sont montrées D'ailleurs, l'exposition est très mal organisée. L'accrochage est un accrochage volontairement saturé, cacophonique. Et donc, on montre que ces œuvres font système, qu'elles s'entrechoquent. Elles font système, c'est-à-dire qu'elles métastasent. Et donc, le message de cette exposition d'art dégénéré, c'est attention, danger d'infection. Si l'on fréquente trop ces œuvres, si on les regarde trop, si on laisse agir et proliférer leurs auteurs, il y a un danger de saturation de l'espace germanique, de nos musées, de nos villes, de notre population par ces œuvres-là, de la même manière que, vous le voyez, la pièce où nous nous trouvons, c'est le message de la muséographie de cette exposition, la pièce où nous nous trouvons est totalement saturée par ces œuvres-là qui s'entrechoquent, qui provoquent la nausée par leur surabondance. Donc il s'agit de prévenir du danger. A contrario, montrer les œuvres saines, montrer des corps harmonieux, sculptés à la manière néoclassique, montrer des projets architecturaux parfaitement symétriques, harmonieux, doit rééduquer l'appareil perceptif, rééduquer le cerveau, rééduquer la sensibilité des spectateurs en leur montrant la beauté, et par ailleurs provoquer une volonté d'émulation. C'est ce que dit Hitler dans plusieurs discours. Regarder des beaux corps déposés dans la pierre de la sculpture, antique ou moderne, néoclassique, regarder des beaux corps va inciter nos contemporains à eux-mêmes produire un beau corps. Alors que regarder les corps désarticulés, souffrants, malades, regarder la morbidité de l'art dégénéré contemporain, c'est soi-même se placer sur une pente descendante vers la maladie, vers la laideur. Es war eine Definition moderner Kunst, eine negative Definition. Les nazis définissaient l'art moderne par la négative. La politique nazie en matière d'art était très précise sur les critères de race, mais pas du tout sur les critères stylistiques. Christian Fuhrmeister. Selon les nazis, un juif était incapable de produire quelque chose de valeur. Même si son style ressemblait au réalisme photographique d'un Adolf Ziegler, c'était totalement exclu par principe. Lotte Laserstein, avec ses tableaux figuratifs, en est un bon exemple. Laserstein était juive, donc elle était dégénérée. Ce n'était pas du tout une question de style, c'est le critère racial qui comptait. À l'inverse, la définition de l'art national-socialiste était censée être positive. Mais là encore, les choses sont beaucoup plus compliquées. Les critères sont en réalité très vagues. Et le concept mal délimité. Pendant des années, on a parlé d'un art national-socialiste sans vraiment savoir à quoi il ressemblait. On s'est contenté de réutiliser les images publiées dans les ouvrages nazis sans analyser les critères de sélection. C'est ce que je reprocherais à l'histoire de l'art. Elle n'a pas procédé à un examen critique des sources. Elle s'est contentée de reprendre la sélection nazie. Aujourd'hui, avec les documents dont on dispose, on réalise que le spectre de l'art national-socialiste était bien plus étendu. Ça allait de l'impressionnisme tardif jusqu'au surréalisme presque. Quant aux motifs idéologiques ou propagandistes, ils ne constituaient qu'une infime partie des expositions d'art allemand, de l'ordre de 1 à 3%. Le reste, c'était des paysages, des portraits, des natures mortes, de la peinture de genre, et quelques nus. C'était ça la grande exposition d'art allemand. La perpétuation d'un goût petit bourgeois qui témoigne de l'échec des nazis à créer un art nouveau. Quant à l'art de propagande, le phénomène était peut-être nouveau, mais il était tout à fait comparable avec celui du réalisme socialiste à l'époque stalinienne, ou plus tard, à l'art de la République démocratique d'Allemagne. Ce qui m'a toujours frappé à travers les photographies de cette exposition de l'art dégénéré que j'ai pu voir, c'est le fait que, en particulier, c'est vrai, je crois, la totalité de l'exposition, mais ça devient éclatant avec la façon dont le dadaïsme est exposé. La salle des œuvres dadaïstes mime exactement le mode d'exposition pratiqué par les dadas. C'est quelque chose qui est fascinant, c'est quelque chose qui est véritablement abyssal à mes yeux. C'est-à-dire que ce qui est le mode d'exposition apparemment chaotique, qui est délibéré dans les expositions de 1922, par exemple, de Dada, devient ici, 15 ans plus tard, quelque chose qui est la preuve de l'absolue folie de Dada, qui dénonçait, justement, par ce moyen-là, la folie environnante. Le mouvement Dada est un mouvement de dénonciation de la folie environnante, d'abord pendant la Première Guerre mondiale, donc c'est cette espèce de désarticulation totale qu'il expose, justement, du même coup, la désarticulation du mode de pensée, du mode de représenter, etc., etc., qui est la conséquence aussi de cette espèce d'explosion qu'est la Première Guerre mondiale dans son ensemble. Et là, cet aspect critique énoncé par Dada, évidemment, est totalement ignoré pour sa charge critique. C'est-à-dire que ce que refusent catégoriquement les nazis, c'est de prendre en considération, et ça c'est vrai de toutes les œuvres qu'ils considèrent comme dégénérées, ils refusent de prendre en considération que précisément ces œuvres sont des critiques de la culture qui leur est contemporaine et de l'état de la culture qui leur est contemporaine. Ils le prennent pour ce que justement ces œuvres dénoncent. Ils prennent ces œuvres pour ce qu'elles dénoncent. Voilà. Ralf Jentsch. Das ist Politik. Et ça, c'est politique. Insofern war Gross ein hochpolitischer Künstler. Gross était un artiste éminemment politique. Einer der ganz, eigentlich der einzige hochpolitische Künstler. Peut-être même le seul artiste vraiment politique. Wenn wir Gross nicht gehabt hätten, si l'on n'avait pas eu Gross. Und heute nicht hätten, dann sähe düster aus. Et si on ne l'avait pas aujourd'hui, les temps seraient bien sombres. À travers son art, sa critique féroce de l'injustice, gerade durch seine Kunst und durch das Anprangern dieser Ungerechtigkeit und vor allem auch durch die et la vision prophétique de son œuvre, Prophetie seiner Kunst, genau vorausgesagt, Gross a prédit exactement ce qui allait arriver. Dès les années 20, il attirait déjà l'attention sur Hitler. Es gibt ein Porträt von Gross, großformatige Zeichnung, Siegfried Hitler. Il y a un dessin grand format de Gross qui s'appelle Siegfried Hitler. Und wenn Sie das genau betrachten, der hat si vous regardez attentivement, vous remarquerez qu'à la place des pupilles, aber aus dem ganzen Gesicht, il a dessiné des arêtes de poisson. Brutalen, Gesicht, guckt einen schon der zukünftige Massenmörder an. Hitler a déjà son regard de tueur de masse. Wir haben jetzt hier in einer kleinen Ausstellung haben wir den Dada-Raum nachgebaut. Je ne sais pas si vous connaissez cette photo de la première foire Dada à Berlin en 1920. 1920 gab es die Dada-Messe in Berlin. Nous avons voulu la reconstituer sous la forme d'une petite exposition. Und ich komme gleich wieder. Oh, attendez, je vais la chercher. Je reviens. Vous voyez le tableau de Gross. Auch Deutschland ein Wintermärchen auf der Originalgröße. Hier hängt das Bild. Allemagne un conte d'hiver accroché au mur. Die Kriegskrüppel, der schwebende Erzengel. Il y a aussi les mutilés de guerre d'Otto Dix, l'archange prussien de Hatzfeld, avec sa tête de cochon. Die tatlinische Plastik auf der rechten Seite. Et à droite Tatline, le mannequin électromécanique. Und das ist schon für das zukünftige Museum gedacht. Et tout ça figurera dans le futur musée Gross. Es lebe die Kunst. Sie lebt. Oui. Vive l'art. Entartete Kunst. L'art dégénéré. Par Christine Le Serve. Aujourd'hui, l'exposition. Avec Ralph Jentsch, Johann Chapoutot, Bénédicte Savoie, Denise Ferneret, Christian Fuhrmeister, Éric Michaud, Bernhard Maas, avec les voix de Claude Aufort et de Laurent Lederer. Coordination Perrine Kervran. Attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier. Prise de son, Laurent Lucas et Olivier Dupré. Mixage, Cédric Châtelus. Réalisation, Franck Lilin.